Bonjour, c'est Comme une oreille, émission d'avril 2018. Émission donc Comme une oreille de promotion des musiques diffusées sous licence libre. On va en reparler un petit peu puisque ça pose des questions. J'ai eu plusieurs fois des questions autour de ce que c'est que la musique sous licence libre. Donc on va essayer de trouver des réponses. Et d'ailleurs, c'est la thématique du mois de cette émission, des réponses. Comme une oreille cherche des réponses. Et du coup, là, je voudrais commencer par relayer un événement national important dans le monde de la musique libre, qui est l'élection du titre de l'année. Du titre libre de l'année organisé par le collectif Zik Libre en Bib, qui est un projet collaboratif de discothécaires qui travaillent en médiathèque donc, et qui ont pour but de promouvoir la musique sous licence libre dans les médiathèques en France. Donc il y a un peu plus d'une vingtaine de discothécaires qui participent à ce collectif et qui tiennent un blog qui toutes les semaines, quasi journalièrement, chronique des disques qui sont diffusés sous licence libre. Et qui, une fois par an, depuis 6 ans, pour la 6e année consécutive, organise une élection il y a à peu près 80 médiathèques participantes, un peu partout en France. Ici, dans le rayon de diffusion de Radio Zinzine, en tout cas dans le 04, vous avez les médiathèques de la DLVA qui participent, à savoir les médiathèques de Manosque, Gréou, Vinon et Oraison et Vols. Donc, il y a 5 médiathèques dans lesquelles vous pouvez aller écouter cette sélection et qui court jusqu'à la fin du mois de mai, jusqu'au 27 mai. Et là, j'ai le petit papier qui accompagne cette élection et ils ont une jolie forme pour présenter ce que c'est que cette musique sous licence libre. C'est intitulé « Des artistes en liberté », je vais vous le lire. « Sauvons la liberté sauve le reste ». Écrivait Victor Hugo. La liberté, ce concept si important pour l'humanité, est aussi devenu un mot trop souvent banalisé. Alors, est-ce un abus de langage d'évoquer la liberté à propos d'une musique qui ne cherche qu'à s'émanciper du joug du droit d'auteur? Sans doute. Mais derrière cette musique libre, il y a avant tout des êtres libres qui ont choisi le partage plutôt que le repli sur soi. Des artistes qui considèrent leur musique comme un vecteur de connexion entre les êtres humains et n'attendent rien d'autre en retour. Ce faisant, ils deviennent à nos yeux davantage que de simples étrangers, et l'envie peut parfois nous prendre de leur dire merci pour leur générosité, alors quand c'est le cas, il faut surtout pas hésiter. Un petit mot envoyé par internet ou via le réseau postal, une commande de CD ou d'album numérique, ou tout autre soutien financier, et puis pourquoi pas des remerciements en direct lorsqu'ils se produisent sur scène. Voilà, donc c'est assez joliment dit, je trouve, et donc ça permet de reprendre un peu ce que c'est que cette musique en libre diffusion. C'est en rapport avec le droit d'auteur. Donc, dès qu'une musique est créée en France et partout dans le monde d'ailleurs, elle est protégée par des droits d'auteur. De fait, hormis l'écoute de cette musique avec les amis ou la famille ou la copie pour l'usage personnel, on ne peut rien faire sans demander l'autorisation à son créateur ou à une éventuelle société gérant ses droits d'auteur, comme la SACEM. Et c'est bien le souci. Et à l'heure d'Internet, aujourd'hui, qui décuple les possibilités de partage et de collaboration, les artistes peuvent par contre choisir de libérer leur création, puisque c'est extrêmement facile de se partager la musique, et c'est important de partager la musique. Et donc les artistes peuvent choisir de libérer les créations en définissant des conditions d'utilisation plus larges. Et pour ça, ils utilisent des licences dites libres, qui sont les licences Creative Commons par exemple, ou les licences Art Libre, et autoriser d'emblée la copie et la diffusion de la musique dans un cadre non commercial. Et en fonction des options choisies par l'artiste lui-même, on peut même modifier la musique en question, voire l'utiliser dans un contexte commercial. Ça, c'est à négocier directement avec l'artiste. Enfin, l'artiste peut ouvrir ces droits-là directement, et s'ils ne sont pas ouverts, on peut le négocier. Voilà. Donc ça, c'est un petit point sur la musique en libre diffusion et une présentation de cette élection Zik Libre en Bib. Franchement, écoutez là, il y a des super trucs. On a passé ici plusieurs fois dans Commune Oreille. D'ailleurs, on avait organisé le concert de Artus, qui fait partie de cette élection, début 2017. Il y a plusieurs morceaux, Aérial, qu'est-ce qu'on a passé ? Fridonia, The Dogon Light, The Polish Ambassador. Grandfather Gold aussi, je crois. Voilà. Et Cocagna qui, peut-être, on l'espère, va venir jouer dans nos contrées aussi à la fin de. Dans le courant du mois de juin, mais c'est pas tout à fait sûr. Ce serait peut-être un événement comme une oreille. On sait pas encore. Voilà. Donc, du coup, première réponse à des questions. On va en chercher d'autres, des réponses. Alors là, je vous présente d'abord un très court morceau de 18 secondes qui s'intitule Aucune réponse et je reviens juste après. Faut pas se décourager, demain c'est une autre journée. Faut pas, non, faut pas se décourager. Voilà, merci Couleur Dauphin. C'est donc un groupe québécois, un groupe assez intéressant, même si ce morceau-là n'est pas forcément ultra représentatif de tous leurs enregistrements. Mais oui, assez intéressant parce qu'ils utilisent énormément de styles différents. Rien qu'à voir les mots-clés qu'ils ont mis sur leur Bandcamp, c'est expérimental, hip-hop, enfant, rap, vo, visuel, nu metal, Québec City. Voilà. C'est une petite virgule issue d'un album qui s'appelle Tout est tellement nonche qui date de 2016. Vous pouvez retrouver ça donc du coup sur Bandcamp. On va enchaîner maintenant avec un morceau qui s'appelle Desire, tiré de l'album intitulé The Answer. La réponse, c'est bien, on est bien dans la thématique. Et c'est un collectif de musiciens et de comédiens grecs qui s'appelle 2L8, peut-être. Qui a d'abord travaillé sur des musiques pour pièces de théâtre et qui depuis 2005 a pris une voie musicale. Ils sont assez nombreux et ils se rapprochent du rock progressif avec des albums concept, danse et musique assez offensive. Et là ici c'est leur deuxième album qui est assez politique, une ambiance de fin du monde. On va écouter ça, ça s'appelle Desire. Et dans la foulée, on écoutera également un morceau d'un groupe qui n'existe plus, qui existait au début des années 2000, un groupe Manso, du Mans donc, qui s'appelle Anne et Bateau, le morceau s'appelle Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, et le tout début, un des musiciens nous donne une réponse à apporter aux générations futures, dit-il. Je vous laisse écouter tout ça. It's better to feel pain. once knew the people that left me. Our generation will never be new, never be new again, never be new again. Our youth has been stolen from us, has been stolen, our youth has been stolen. Extrêmement efficace des 12L8, les Grecs. On enchaîne avec Anne Bateau, Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, et une réponse à apporter aux générations futures. Il y a un message à apporter aux générations futures, quoi. C'est que finalement, je crois que c'est pas finalement quoi qu'on peut croire que c'est finalement quoi. Et ça, Joyce Cousteau l'a démontré. C'était un morceau d'Anne Bateau, Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, un très très bon morceau, à mon goût. On va écouter maintenant un morceau d'un musicien de dub, entre un mélange de dub, chiptune et pop synth-pop, comme on dit, pop synthétique, qui s'appelle Bizou, qui est un type de Montpellier, et qui fait partie de cette élection Ziklibambim dont je parlais au début de l'émission, l'élection 2018, avec un autre morceau qui fait partie de cette élection, du coup, qui est issu du même album, Oméa, qui est sorti donc en 2017. Et qu'on va écouter maintenant, qui nous apporte une réponse aussi, puisque c'est Comme une oreille, avril 2018, thématique sur les... On cherche des réponses. Il apporte une réponse, lui, ça s'appelle Moon Answer, réponse à la lune, et c'est une réponse à un grand groupe de pop synthétique français qui tient le haut du panier depuis le début des années 80. Que je ne citerai pas, mais que vous reconnaîtrez peut-être. Un spécial dédicace à mon comparse Florian qui n'est pas là aujourd'hui pour animer comme une oreille avec moi et qui aime bien le dub. Ça fait sautiller la tête là. Un très bon morceau de Bisou qui s'appelait Moon Answer. Un morceau très sautillant comme ce style de dub qu'on appelle le dub stepper où il y a la grosse caisse sur chaque temps comme ça qui fait bouger la tête. On va écouter maintenant une autre réponse, on cherche une autre réponse dans Comme une oreille, promotion de musique sous licence libre. Ça s'appelle Dr. Talos Answers the Door. Donc le docteur Talos répond à la porte et c'est Dr. Turtle qui nous propose ça. Dr. Turtle, c'est un guitariste de Brighton, de Brighton. Donc voilà, et on écoute tout de suite ce morceau. Ensuite, on écoutera un morceau de Dolores Riposte qui s'appelle Petite réponse entre amis. Dolores Riposte, on reviendra dessus juste après. Dr. Turtle. C'était Dr. Turtle l'anglais avec Dr. Talos Answers the Door. Lui, il présente sa musique, ses trucs, comme il dit. Il voit ces trucs-là, ces musiques qu'il enregistre et qu'il propose sous licence libre comme une ressource qui est disponible pour les gens pour pouvoir les réutiliser. C'est vraiment ce qu'il présente dans sa présentation sur le site Free Music Archive, qui est une mine de musique sous licence libre, accessible librement sur Internet. Et donc il présente ça, il dit que la plupart des licences qu'il a apposées à ses morceaux interdisent un usage commercial, mais qu'il est d'office, mais que par contre il est tout à fait ouvert à vendre ces morceaux pour des podcasts, pour des films indépendants, un petit budget, des choses comme ça. Voilà, et qu'il a très envie de discuter avec des gens qui apprécieraient sa musique. Et c'est donc, voilà, on a écouté donc Dr. Turtle qui s'inspire visiblement beaucoup des musiciens folk des années 60-70 qui ont développé la technique du finger picking. On pense par exemple à John Fahey, Leo Kottke, Peter Lang, des gens comme ça. Maintenant, on écoute Dolores Ripost. Petite réponse entre amis. Dolores Ripost, ils font partie du label d'un groupe punk qui a un gros rayonnement international qui s'appelle Guérilla Poubelle. Et leur asso, enfin leur collectif s'appelle et label s'appelle Guérilla Asso. Voilà, punk rock, do it yourself. C'est vraiment du punk rock bien français. Petite réponse entre amis, ça déchire. À moi je fous pas de ton père, je l'ai rien à dire. Dolores Ripost, petite réponse entre amis. On va enchaîner dans le même style musical, une autre réponse, en tout cas quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, avec un groupe qui s'appelle Tolar, qu'on a déjà passé à plusieurs reprises dans des émissions de Commune Oreille. Tolar, c'est un groupe de rock, de pop avec des synthés, basse, batterie et chant en français, très très bon, un excellent groupe. C'est tiré de l'album Les Abords du Lycée. Et c'est voilà, un groupe de Grenoble, je crois que je l'ai déjà dit. Le morceau s'appelle Impasse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça fait maintenant des mois que ça dure. J'ai dû rentrer chez mes parents. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Au lever, j'angoisse déjà. Je suis désorienté, je sais plus ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois aller. C'était Impasse de Tollard. Ils n'ont pas trouvé de réponse. Beaucoup de questions. Comme une oreille sur Radio Zincine, essaye de trouver des réponses aujourd'hui. On va écouter An Answer, une réponse, d'une musicienne qui s'appelle Julia Kotowski. Son nom de scène, c'est Entertainment for the Brain Dead. Elle est basée à Berlin, multi-instrumentiste, et c'est pas du tout le même genre musical, mais c'est très joli. An Answer par Entertainment for the Brain Dead. C'était An Answer, une réponse apportée par Entertainment for the Brain Dead. Divertissement pour les morts cérébraux. Ça veut dire aussi demeurer. Brain Dead. Divertissement pour les demeurés, c'est pas mal. On va enchaîner avec deux morceaux de jazz, de musique improvisée, musique libre et improvisée, à tendance jazz expérimentale. Un premier morceau par deux musiciens, un Allemand et un Français, Frank Wilke et André Darius. C'est sorti sur le label, l'excellent label de musique sous licence libre italien qui s'appelle Label Net Label. Et ça s'intitule « The right answer is a question ». La vraie réponse est une question. Et ensuite, on écoutera le trio Oyo Uali, qui est un trio français aussi, de jazz, musique improvisée et poésie sonore. Le morceau s'appelle « Les réponses et les rites ». On écoute ça tout de suite. Thank you. Les concepts accumulés sur la rétine sont des verres de contact par lesquels le contact se perd. Je sais des questions qui n'aboutissent qu'à elles-mêmes. Laissons-les au silence. La philosophie s'arrête à l'horizon des rocs, où le ciel animal envahit la rétine. En dessous, c'est l'absurde et les errances vaines, où se donnent les réponses. On vient d'écouter Oyo Wally, le trio Oyo Wally. Avant, c'était le duo Frank Wilke et André Darius. On va revenir à du rock, un peu, dans Commune Oreille, sur Radio Zinzine, émission de musicale autour de la promotion des musiques sous licence libre. Et la thématique du mois, c'est Commune Oreille cherche des réponses. On en trouve une avec Good Answer de Life in a Blender. Life in a Blender qui est un groupe assez ancien, ça fait 30 ans qu'ils existent hein, quand même. Ça fait 30 ans et ils viennent de New York. Et ce morceau là, alors eux ils diffusent pas leur musique sous licence libre en fait. Mais par contre, ils ont fait un concert à la radio WFMU aux États-Unis, et c'est une radio, une très ancienne radio libre dont on a déjà parlé dans cette émission, qui diffuse tout son contenu sous licence libre, et qui a un contenu essentiellement musical avec beaucoup de rencontres avec des musiciens, beaucoup de live. Et ce morceau, Good Answer, est tiré d'un de ses lives enregistrés à la radio WFMU. Life in a Blender, Good Answer. answer, good answer. I'm willing to compromise. I'm willing to do what's right. I'll go with the status quo. I'll go with what you wanna know. Good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer. The hem of Scully's robe, good answer. Some cheap men's cologne, good answer. We're gonna get granular with this, good answer. He's well liked by his peers, good answer. You in the back, please lower your voice. Just keep up with the rest of the boys. You've all been given a choice. You've all been given a choice. Good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer, good answer. Atom bomb. Good answer. James Bond. Good answer. Goldman Sachs. Good answer. Snorting bath salts. Good answer. Manifest Destiny. Good answer. Archduke Ferdinand, good answer. Freedom fries, good answer. Pepper spray cop, good answer. I'm willing to compromise. I'm willing to do what's right. I'll go with the status quo. I'll go with what you wanna know. Good answer, good answer, good answer, good answer. Voilà, c'était la folk pop du groupe américain Life in a Blender, Good Answer. Et on enchaîne avec un autre morceau de pop, toujours avec une réponse ou pas, non, Coming Without an Answer. Donc pas de réponse, arrivant sans réponse, du groupe, un groupe pop qui s'appelle Now. Un groupe anglais de pop dadaïste qui ont collaboré avec beaucoup de gens prestigieux comme Damo Suzuki, The Go Teams, qui ont fait la première partie des groupes comme Faust, Tung, Grotko, Played, et il y a même la star Mike Watt, le fondateur des Minutemen et bassiste des Stooges, qui leur a consacré une émission de radio entière. Voilà, c'est assez inventif, c'est coloré, c'est psychédélique, ça se rapproche des courants krautrock et ça navigue un peu dans les eaux de groupes comme Can, Stereolab ou voire même Sonic Youth. Ça s'appelle Now, le groupe, et le morceau s'appelle Coming Without an Answer. Watching before. C'était Now Coming Without an Answer des Anglais. Très intéressant. On écoute maintenant un groupe de punk, mais de punk assez particulier parce qu'on en entend rarement comme ça, de punk arménien. Trouvez ça sur Free Music Archive, donc musique sous licence libre, toujours. C'est le dada de Comme une oreille. Et donc ça s'appelle Varagvats. Varagvats, c'est donc un groupe qui existe depuis 2001. Depuis 2016, pardon, je me trompe de chiffre, qui est assez récent du coup, qui existe depuis 2016, un groupe arménien. Alors tous les titres sont écrits en alphabet arménien, évidemment. Heureusement, il y a les traductions en anglais. Le morceau qu'on va vous passer s'appelle The Answer, qui rentre donc dans la thématique du jour, comme une oreille cherche des réponses. Voilà. Ils disent que leur genre, c'est du psychostancy. Mais alors, je sais pas du tout ce que c'est que le psychostancy. Mais c'est punk. On y va. Varagvats, The Answer. Nous abattions, nous abattions. Calme la soupe, on est sur nous. La chouchane, la chouchane. On est sur nous, la chouchane. Calme la vente à l'aéroport. Une bombe à scarpia, c'est un chat. C'était Varagvats, The Answer. On touche à la fin de cette émission comme une oreille thématique sur les réponses. On cherche des réponses. En a-t-on trouvé ? Je ne sais pas. On va terminer avec un morceau d'un collectif anonyme, enfin, qui s'appelle Walt Disney, quand même. Un collectif artistique anonyme, c'est comme ça qu'ils se décrivent, qui font de la musique... De la musique easy listening, assez lounge. Le morceau s'appelle Answered Prayer, le prieur qui a reçu sa réponse. On va écouter ça tout de suite. Walt Disney, Answered Prayer. Thank you. écoutez Comme une oreille, émission de promotion de musique sous licence libre, avril 2018. Vous avez pu écouter tout d'abord Couleur Dauphin avec Aucune Réponse, 2L8, Desire, Desire, Desire, issu de l'album The Answer, Année Bateau, Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, Bisous, Moon Answer, Dr. Turtle, Dr. Talos Answers the Door, Dolores Riposte, Petite Réponse entre Amis, Tolar avec Impasse, Entertainment for the Brain Dead qui chantait An Answer, Frank Wilke et André D, The Right Answer is a Question, le trio Oyo Wally, Les Réponses et les Rites, Life in a Blender avec Good Answer, Now avec Coming Without an Answer, Varag Vast, The Answer, et actuellement Walt Disney, Answered Prayer. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Zinzine et sur le blog de l'émission Comme une oreille, commeuneoreille.blogspot.fr. Et également sur les radios Amis, Onde Courte et Radio Campus Pau qui rediffusent chaque mois Comme une oreille. Et on les remercie. À très bientôt. Sous licence libre.